Plus vrai que nature. Et quoi la rumeur, 400 yens, une putain de valeur sûre. Y'a ceux qui creusent moi, j'ai rechargé dans le game. Y'a que des groupies qui veulent pomper ma team. Mon équipe s'abîme. On connaîtra jamais le succès, mais c'est pas grave. On rappe pour ceux qui nous soutiennent. Y'a de la tristesse dans mes putains de chansons. Réside un bon lieu zard, le fric c'est toujours une rançon. On arrache le beat, quoi qu'il arrive. Le bise, succès d'estime, crime, la fougue m'a pitié. Tu rap pour qui toi? Qu'est ton album de Pouka? Pour les DA qui veulent du sang tout pour rap. Fuck les médias qui veulent entendre le bruit des machines à sous. Moi c'est le bruit qui vient d'en dessous ça. C'est pour mes gars qui se tapent comme des Yakuza. Je rappe sale moi comme mon argent cousin. Chez nous y'a pas de maître à penser. Excusez, on veut juste niquer le rap français. Les majors te font plier les chines pour un billet. Tu baisses ton froc comme une pute de Varsovie. Négro, tu sais c'est pas un art de vivre. Tu parles de bif, c'est quoi tes royalties? Dans ce putain de biz, on est interdit en radio. Donc nique sa mère Laurent Bounot. Endek, je crache mon rap hardcore pisté par les RG. En attendant mon disque d'or. Dans l'anonymat, instinct animal. On baisse leur système et leur salaire minimum. Signe des autographes, moi je veux signer des chèques. Lien et quoi le chèque, on se répand comme une rumeur. Tout ça braille, si je les cale, y'a la taille. Bienvenue au funérail de la playlist de Sky. Si par toi et rapide-toi, petite pute. La rue est prête pour célébrer ta chute. Partout ça braille, si je les cale, y'a la taille. Bienvenue au funérail de la playlist de Sky. Si par toi et rapide-toi, petite putain. La rue t'a vu, tu vas te la bouffer ta vue. Les skills sont gangrénés par la corruption. Par la corruption. Par définition, 2-3 tractions, quelques étirements. On sort avec nos gueules d'enterrement. Naturellement sec, on tient avec les nerfs et du liquide sur nous. Réputé discret, sans histoire, comme d'authentiques voyous. Tu vas pas m'expliquer la vie. Et quoi assume ce qu'il dit et en ressort grandi. Beaucoup nous parodient dans ce registre sérieux. C'est à pisser le rire. J'ai eu la naïveté de croire que l'avenir donnerait raison aux braves. Considérer qu'il n'y a rien de grave. En gros, il suffit qu'une hyène te monte les crocs. Et t'es à peine qu'écro pour que tu cries au scandale. La suite nous concernant et sans équivoque. S'écrit avec un grand S comme Sarkozy, Skyrock. Fils de pute de Sky. Fils de pute de Sky. Partout ça braille, si je les cale, y'a la taille. Bienvenue au funérail de la playlist de Sky. Si par toi et rapide-toi, petite pute. La rue est prête pour célébrer ta chute. Partout ça braille, si je les cale, y'a la taille. Bienvenue au funérail de la playlist de Sky. Si par toi et rapide-toi, petite putain. La rue t'a vu, tu vas te la bouffer ta flûte. Ma bulle, scène, ma vérité au bout des lèvres. Le bitume ma scène m'élève parmi les hyènes peines. De mes racines africaines, ma peau en tracine. Faire sortir le pleuve de la démocratie. Mon corps suit mes traces. Rap sa plaque d'ange tel un cocktail porté ligue, mon staff est plein. Des mots, des plaintes qui sortent de l'enceinte. Marianne, la sainte garce. Revenu enceinte de sa part douce coloniale. Tu passes à la caisse pétasse. Le temps d'air créa le goût de métal. Intégré mes frappes de plein gré. Tu camp des jeunes dénigrés en rat. Une injection létale, mon horizon marche. Dans la fierté de la marche, mon héritage qui baisse la playlist de Sky. Mon son tourne comme la peur, le Sky en bas de ma tête. Ferme-la, écoute en toi de la bouche et la tête. Me dis pourquoi tu me testes, t'es pas de taille. À la taille, on a l'esprit du Hamas. Boum dans la masse, le flow casse tout. Les MC à la ramasse, négro j'arrache tout. Mes frères portent la cagoule. Mais pas comme ce bâtard de Michael Youn. Envoie une feuille qu'on fasse le taf. Nique les baffes, entre en tôle, pas en boîte nous. C'est ni la gauche ni la droite nous. C'est rien que du sah, mes frères galent ça. Yeah, baisse les bacs et pisse sur la bac. Yeah, allié au cas de la rumeur, le pacte est scellé. De mauvaise humeur, les putes descendent les lèvres. Ça braille, si je les cale, y'a la taille. Bienvenue au funérail de la playlist de Sky. Si par toi et rapide-toi, petite pute. La rue est prête pour célébrer ta chute. Partout ça braille, si je les cale, y'a la taille. Bienvenue au funérail de la playlist de Sky. Vas-y par toi et rapide-toi, petite putain. La rue t'a vu, tu vas te la bouffer ta flûte.